Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui le facteur temps, premier épisode, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par François Luciani, réalisée par Sophie Haute-Picon. Panama Papers, LuxLeaks, CumEx et CumCum, paradis fiscal, autant de mots d'expression originale parfois, mais qui en fait veulent dire à peu près la même chose, couvrent la même réalité et concernent les grandes entreprises, les conseils d'administration et leurs dividendes, ou encore les PME et PMI, des mécanismes de fraude fiscale à grande échelle, de détournement d'impôts, d'optimisation fiscale, légale mais immorale, ou parfois les deux, immorale et illégale. La fiction d'aujourd'hui, intitulée « Le facteur temps », nous raconte l'histoire de personnes, victimes ou responsables de détournement fiscal. Cette fiction en deux épisodes ne couvrira pas évidemment toutes les possibilités de tricherie, mensonges et montages savants qui rôdent sur la planète finance et la planète impôt, mais elle permettra de mesurer les graves conséquences du procédé sur le budget national et la capacité d'un État à assurer son rôle de protection sociale faute de moyens. L'évasion fiscale ou l'évitement fiscal, légal ou illégal, utilise les failles du système fiscal lui-même en déplaçant toute partie d'un patrimoine ou d'une activité vers un autre pays, souvent un paradis fiscal, sans que le citoyen concerné ne s'expatrie lui-même. Voilà pour une partie de la définition. Quant aux conséquences évoquées à l'instant, elles s'expriment par ces chiffres notamment. 1 000 milliards d'euros par an de manque à gagner pour l'ensemble des États de l'Union européenne, ce qui correspond à 3% du PIB pour la France, par exemple. Et quand on sait que les critères dits de convergence de l'Union européenne en matière de déficit public se situent sous la barre des 3,5% du PIB, voyez à côté de quoi l'on passe. 15%, c'est le taux moyen d'imposition effectif d'une société du CAC 40, soit environ 20 points de moins que le taux d'imposition légal en France. Enfin, selon un rapport dévoilé par l'hebdomadaire Marianne, la fraude fiscale a augmenté de 20 milliards d'euros par rapport à 2013. Pour aller plus loin et arriver à s'orienter dans cette nébuleuse de l'évasion fiscale et des fraudeurs, nous recevrons, après cet épisode 1 de cette fiction sur le détournement fiscal, Abdelhak El Idrissi, journaliste à la cellule d'investigation de Radio France, qui a longuement enquêté sur la fraude fiscale. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Le facteur temps de François Luciani. Première partie, le secret, 2008-2018. 55 milliards d'euros, qu'est-ce que c'est ? 55 milliards d'euros, c'est un cinquième du budget de l'État français. C'est des routes, des ponts, des trains, des hôpitaux, des écoles, des bibliothèques. C'est des professeurs, des médecins, des infirmières, des magistrats, des policiers, des aides-soignants. 55 milliards d'euros. C'est ce qu'ils nous ont volé pendant 10 ans, de 2008 à 2018. C'est le casse fiscal du siècle. C'est notre histoire. C'est mon histoire. J'étais aux premières loges et je l'ai payé au prix fort. Au moment où nous nous séparons de ce qui est périssable, nous affirmons notre foi en la vie éternelle, notre confiance en Dieu, plus fort que la mort, notre communion avec les croyants de tous les temps. Bénissons l'Éternel. Une dernière poignée éternel, de terre, notre Dieu, et le sourire de ma mère en médaillon sur son cercueil disparaît. Et de magnificence. Il était exactement 9h58 et 45 secondes aux aiguilles de ma montre chaume Puget, un mécanisme automatique Puget, mis au point par mon père, André Puget, maître horloger. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne crains pas, dit Jésus-Christ. Crois seulement. Amen. Le temps avait fait son travail. Mes parents avaient définitivement quitté ce monde. Il ne me restait que leurs souvenirs, un couple heureux et amoureux depuis le premier jour. Et leur commerce, un modeste atelier de précision, perdu au cœur du Val-de-Morteau, à deux pas du lac Léman, où le temps s'était définitivement arrêté ce 15 septembre 2008. La maigre assemblée s'est dispersée et une jeune femme, Capucine Murat, est venue me rejoindre. Capucine Murat, on s'est vu chez vos parents il y a quelques années. Oui, je me souviens. Je vous raccompagne ? C'est gentil d'être venu, je vous remercie. Il n'y avait pas grand monde, hein, avec ce temps. Je connaissais bien vos parents, vous savez. C'était des gens bien. Quand ils venaient à la banque, on aurait dit des enfants, si discrets. Ils sont partis si vite, l'un après l'autre, coup sur coup. Quelle tristesse. Ouais. Montez, je vous dépose. Vous allez où ? À la gare, je dois rentrer à Paris pour mon travail. Vous permettez que je vous invite à déjeuner ? J'ai pas beaucoup de temps, vous savez. J'ai mon train à 14h08. Allez, laissez-vous tenter. Vous n'allez pas rester tout seul un jour pareil. Tout de même... Ça nous laissera 68 minutes, exactement. Alors, on n'a pas une seconde à perdre. Dans l'actualité ce soir, la tempête sur les marchés financiers. La célèbre banque d'affaires américaine Lehman Brothers se déclare en faillite. Victime de la crise des subprimes, les bourses plongent, Paris perd près de 4%. Des précisions sur la taxe... Enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne vous ont pas laissé grand-chose. Surtout des dettes. 1348 euros exactement. Toute une vie de travail pour en arriver là, sans compter les droits de succession. Vous êtes fils unique, n'est-ce pas ? Oui. Vous avez réfléchi à ce que vous allez faire ? J'aimerais préserver l'atelier de mon père. J'aime ce métier, vous voyez. Un jour, peut-être, je reviendrai ici pour travailler. Mais j'ai encore tout le temps d'y penser. Pardonnez-moi d'être un peu terre-à-terre un jour comme celui-ci, mais vous devriez sérieusement vous en préoccuper. Tout est venu si vite, si brutalement. Si je peux vous donner un petit conseil, mon cher Martin, vous permettez que je vous appelle Martin, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Dépêchez-vous d'y penser. Sinon, croyez-moi, c'est le fisc qui va le faire à votre place. Vous avez raison. Je vais y réfléchir. N'hésitez pas, si je peux vous aider, ce sera avec plaisir. Tenez. Optima.com. Vous travaillez plus à la banque ? Si, bien sûr, mais dans un service spécialisé. Placement, optimisation, succession. J'ai plus de temps pour moi et puis je peux choisir mes clients. La liberté en quelque sorte. Si on peut dire. Et surtout moins de petits chefs sur le dos. Oh, merci. Je vous en prie. Alors comme ça, Martin, vous travaillez à Paris ? Oui. Mais où ? Devinez. Aucune idée. À l'Élysée. Pardon ? À l'Élysée. Vous plaisantez ? Non, je vous assure. Et qu'est-ce que vous faites, vous, Martin Puget, à l'Élysée ? Horloger. Je m'occupe des horloges. Ah bah oui, des horloges. Eh oui, 320 mécanismes, répartis dans 365 salons, sur une surface totale de 11 179 mètres carrés. Ça laisse pas beaucoup de temps pour flâner, je vous assure. Ça alors ? Vos parents ne m'avaient jamais rien dit. Oh, c'était des gens discrets. Vous le disiez vous-même. Vous devez avoir un salaire de ministre ? Pas vraiment. Je suis un artisan, comme un autre. Mais aussi beaucoup de relations. Non, je ne vois personne. Rien que des horloges. Mes parents m'avaient souvent parlé d'elle. Mon père disait qu'elle avait été d'une aide précieuse au moment des emprunts et des difficultés. Grâce à elle et ses bons conseils, ils avaient pu préserver ce qu'ils avaient construit ensemble, avec ma mère, tout au long de leur vie. Ce n'était pas grand-chose, un simple atelier d'horlogerie, l'atelier Chaume Puget, la fierté de mon père. Une vie entière consacrée au temps, à l'art du temps. Mais le temps ne leur avait pas fait de cadeau. Alors Martin, vous avez réfléchi ? Oui, mais... Résumons-nous. Les droits de succession de l'atelier de votre père s'élèvent à 120 000 euros. Si j'ajoute le découvert bancaire de 1348 euros, il vous reste 121 348 euros à payer pour rester propriétaire de l'entreprise familiale. Nous sommes d'accord ? Oui. Bon. Comment allez-vous faire ? Je ne sais pas. Un emprunt, peut-être ? Vous pouvez, en effet, emprunter. La banque se fera un plaisir de vous prêter 120 000 euros sur 10 ans. Avec les intérêts, cela vous fera des traites d'environ 1 500 euros par mois qui viendront s'ajouter à vos charges. Ah oui, en effet. Vu mon salaire et la vie à Paris, ce n'est pas rien. Voilà, c'est ce que je dis. Vous avez le droit de vous serrer la ceinture pendant 10 ans ou de faire autrement. Comment ça ? Imaginons une chose. La banque vous prête 120 000 euros. Mmh. Au lieu de payer le fisc tout de suite, vous demandez un délai et vous placez cet argent intelligemment. Et ? Vous avez entendu parler des placements Kumkum ? Kumkum ? Oui, Kumkum. J'avoue, ça ne me dit rien. C'est de l'optimisation fiscale sur les dividendes. Vous me suivez ? Vaguement. C'est très simple, vous allez voir. Vous achetez des actions du CAC 40, ok ? Ok. Vous devenez donc copropriétaire des entreprises dont vous détenez des actions, ok ? Ok. Vous allez donc naturellement recevoir des dividendes, ok ? Ok. Ces dividendes sont imposés à 30% en France. Oui, ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Oui, je sais, c'est injuste, car l'impôt sur le travail est de 56%, mais c'est comme ça. Et alors ? L'idée, c'est d'échapper à cette taxe française de 30%. Vous comprenez ? Oui, très bien. Et on fait comment ? C'est très simple, Martin. Le facteur temps. Le facteur temps, ça vous dit quelque chose, à vous qui êtes horloger, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Mais... Écoutez-moi bien, Martin. Le jour J, à l'heure H où vous devez percevoir vos dividendes, vous vendez vos actions par notre intermédiaire à un courtier associé installé à Dubaï. Mmh. Celui-ci devient alors, pour quelques heures seulement, propriétaire de vos actions. Il en perçoit les dividendes et, moyennant une modeste commission, il vous rétrocède l'ensemble de vos actions et dividendes au lendemain de l'opération. Mmh. C'est ce qu'on appelle le D-Day, le jour du dividende. Vous comprenez ? D'accord. Mais pourquoi Dubaï ? Tout simplement parce que l'impôt sur les dividendes à Dubaï est de... Dites un chiffre. Je sais pas. Zéro. Zéro ? Oui, zéro. À Dubaï, il n'y a pas d'impôt sur les dividendes. Vu comme ça, en effet, c'est plus simple. Ceci veut dire, mon cher Martin, qu'en investissant 120 000 euros sur 10 ans, vous aurez une rentabilité moyenne, selon le cours du CAC 40, d'environ 8,5% par an, soit 10 200 euros par an, soit 102 200 euros sur 10 ans net d'impôts. Vous aurez quasiment remboursé vos frais de succession sans avoir déboursé un centime. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est légal, ça ? Ah, c'est parfaitement légal. Vous prenez les banquiers pour des voleurs ? Non, pas du tout, mais... C'est le cum-cum. Avec, en latin. Gagnant-gagnant, win-win, si vous préférez. Vous n'aurez aucun souci à vous faire, vous achetez un portefeuille et on s'occupe de tout. Pour les droits de succession, vous demandez un délai au fisc. Vous payez un acompte et vous remboursez au fil du temps. Sans risque ? Dans ce domaine, vous savez, on ne va pas se mentir, le risque zéro n'existe pas. Et si ça tourne mal ? Pourquoi toujours tout voir en noir ? On ne sait jamais. Martin, voyons regarder la bouteille à moitié pleine. Voyez ce que vous pouvez gagner en prenant un minimum de risque. Vous avez raison. Ces temps-ci, avec le deuil, j'ai tendance à voir tout en noir. Je vous assure, nous avons l'expérience. Ce genre d'opération, ça roule comme sur des roulettes. On fait ça depuis des années. C'est tentant. En effet, je vais y réfléchir. Le soir même, j'en parlais à Sébastien, mon compagnon, l'homme avec qui je partage ma vie. Si tu veux mon avis, faire confiance à une banque, c'est jamais une bonne idée. Capucine, c'est pas pareil. Et c'est une amie de la famille depuis le temps. Une banque, c'est une banque. Elle te prête un parapluie par grand soleil et elle te le réclame à la première goutte de pluie. T'exagères pas un peu, tout de même ? Je te dis ce que je pense. Tu crois pas qu'on mérite mieux, toi et moi ? Après toutes ces années de galère, changer d'air, profiter de la vie. Et on a tout de même le droit de se faire un peu plaisir, non? Sûrement, mais... Mais quoi? On ferait mieux de réfléchir, tu crois pas? On n'est pas si pressé. Mais réfléchir, mais réfléchir à quoi? Ça fait des années qu'on réfléchit et qu'on passe à côté de notre vie, alors? C'est comme ça. Que veux-tu? On n'est pas nés du bon côté. Toi et moi, on est comme les autres. Et on a le droit de vivre, non? On est comme tout le monde, le reste c'est des conneries. Sois prudent, Martin. Dis-toi bien qu'ils nous feront pas de cadeaux. Sébastien, c'était un artiste, un pianiste, spécialiste de Debussy. Arabesque, estampes, les jardins sous la pluie. C'était l'homme de ma vie. Il était beaucoup plus jeune que moi, plus fragile aussi. Je n'avais jamais rien dit de lui à mes parents. J'avais bien trop peur qu'ils ne le comprennent pas. Alors nous nous sommes cachés, pendant des années, 10 ans de secrets et d'embrouilles. 10 ans de souffrance aussi. Aujourd'hui, nous pouvions enfin vivre notre amour au grand jour. Alors j'ai décidé d'aller de l'avant. Allô? Allô? Capucine Murat? Oui. Oui, c'est moi, Martin, Puget. Ah, oui. J'ai réfléchi, on y va. Vous pouvez préparer les contrats. Ah, c'est une bonne décision, Martin. Il faut savoir prendre des risques dans la vie. Je m'occupe de tout. Vous ne le regretterez pas, vous verrez. Bah, merci beaucoup. Je vous en prie. Et à très bientôt. À très bientôt, je vous rappelle bientôt. Merci. J'ai suivi ses conseils. J'ai investi le peu que j'avais dans un portefeuille d'actions. Tous les 3 mois, je percevais une somme nette d'impôts qui comblait l'emprunt que j'avais dû faire pour m'acquitter des droits de succession. Après toutes ces années de sacrifices, avec Sébastien, nous vivions enfin ce que nous avions tant désiré. Nous avons pu voyager jusqu'à Rio même, et je me suis offert une petite folie, un cabriolet d'occasion pour aller en Normandie au printemps, avec les beaux jours. C'était l'été 2009, en plein mois d'août. Il faisait une chaleur accablante et il n'y avait personne dans Paris. Il y avait du beau monde au château, ça c'est vrai. J'avais remarqué que l'un des plus réguliers n'était autre qu'un certain Jean Laborderie, le patron de Capucine, directeur exécutif de la banque où j'avais mes comptes. Je me demandais bien ce qu'il pouvait se dire de si secret avec le conseiller spécial du président, François-Xavier de Maupin. Ah. Laissez-nous, Martin, s'il vous plaît. Très bien, monsieur. Excusez-moi. Il faut absolument convaincre Mario Draghi d'augmenter l'aide de la BCE. Sinon, ça va se terminer comme chez Lehman Brothers, sur le trottoir. T'imagines? On a trop de produits toxiques. Il faut éliminer. D'accord, mais on a déjà dégagé un prêt de plus de 400 milliards, ça ne suffit pas? Non, il faut plus. Combien? Au moins 700 milliards. Pour sortir de la crise. Ok, je vais en parler au président. T'inquiète pas, les questions d'argent, Sarko, il comprend vite. Cet été-là, avec Sébastien, nous avons dû annuler notre séjour en Grèce, en raison de la crise. Les Grecs n'avaient plus un centime. On a hésité, mais finalement on a fait comme tout le monde. On a reporté notre voyage à l'année suivante, à cause des nouvelles à la radio. Le temps presse, Athènes doit finaliser le deuxième programme de près de 130 milliards d'euros qui lui a été promis, faute de quoi le pays risque un défaut de paiement autour du 20 mars. Les Grecs ont pris dans la tenaille d'une menace de cessation de paiement national et de nouvelles mesures d'austérité ont une fois de plus manifesté leur colère et leur désespoir mardi. En même temps, en cet été 2009, Jean Laborderie, celui à qui j'avais confié mon argent, celui que j'appelais désormais en secret pour moi-même mon cher ami, celui qui réclamait des milliards à l'État français pour renflouer sa banque, déjeunait dans un restaurant huppé, The Cinnamon Club, le club Cannelle, à 2 pas de l'Élysée. Raffinement assuré, la haute cuisine indienne dans la plus grande discrétion. Ce jour-là, ils étaient 3. Un Indien d'une 50aine d'années, plutôt jovial, qui répondait au prénom de Tarak. Grégor, un Allemand de 120 kilos, et mon cher ami, Jean Laborderie. Je les entendais de loin parler de Kumkum et de Kum-ex. Kumkum, Kum-ex. Ils avaient trouvé des noms incroyables à leur business. En fait, Kum-ex, ce n'était rien d'autre qu'une variante de Kumkum que je pratiquais moi-même avec Capucine à une échelle bien plus modeste. La différence, c'était que Kum-ex, c'était parfaitement illégal. Vous avez raison, mon cher Tarak, on n'est jamais trop prudent. Gandhi disait, celui qui possède ne dort que d'un seul œil. Eh oui, avec cette crise qui dure, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Quoi qu'il en soit, mon cher ami, dites-vous bien qu'il passe et nous en reste. De nos jours, on ne peut plus faire confiance aux politiques. Le Cum-Ex est bien plus sûr que n'importe quel parti. Conforme aux dispositions fiscales ? Disons que cela dépend des pays. Vous aimez le tennis, Jean ? J'y ai beaucoup joué quand j'étais jeune. Quel rapport ? Quel genre de cordage aviez-vous ? Du boyau de chat. Excellent. Jamais de trous ? Non, jamais. Parfois, il arrivait qu'il se détende, qu'il devienne lâche même, mais... Eh bien, voyez-vous, Cum-Ex, c'est comme des trous dans la raquette. Vous comprenez ? Des trous dans la raquette. C'est mon métier, mon cher ami. Voir dans les trous. Voir ce que le fisc ne voit pas. Le principe est très simple. C'est juste une question de timing. Vous pourriez être un peu plus clair. Je vous avoue que j'ai du mal à vous suivre. À J-2, 48 heures avant la date du paiement des dividendes, 100% des actions sont transférées chez Tarak à Dubaï. Je reçois les dividendes taxés. Je demande tout simplement au fisc le remboursement des taxes. Vu le nombre énorme de transactions, plusieurs centaines de milliers de transferts effectués en quelques heures, les administrations fiscales n'ont pas le temps ni les moyens de vérifier qui est le véritable propriétaire des actions. Alors, l'État paye, c'est tout. Et vous, Tarak, vous restituez ensuite, moyennant une commission, les actions à leur véritable propriétaire. Vous avez tout compris, Jean. Ça marche très bien en Allemagne, au Danemark, en Suisse, en Belgique, en Autriche et en Norvège. Mais en France, il nous faut un intermédiaire solide pour assurer les transferts. Vous dirigez la première banque française, n'est-ce pas ? N'exagérons rien. Nous sommes bien placés, c'est vrai, mais... Votre banque percevra une commission tout à fait correcte. Vous avez évalué les risques ? Si vous avez un doute, n'insistez pas. Un de vos concurrents le fera à votre place. Nous étions restés sur le chiffre de... Disons 2,5%, indexé sur le volume des transactions. Très bien. Les bénéfices seront substantiels, je peux vous l'assurer. Je vous parle de plusieurs milliards d'euros. J'imagine que tout cela reste entre nous. Je compte sur vous, n'est-ce pas ? Bien entendu. Vous n'imaginez tout de même pas que nous irions claironner cela sur toutes les trompettes ? Les toits, Tarak, pas les trompettes. Chez nous, on dit claironner sur tous les toits. Ah, il y a tant de gens qui ont perdu leur toit avec les subprimes. C'est terrible, n'est-ce pas ? Oui, c'est terrible ce qui leur arrive. Tous ces malheureux jetés dehors... Là. À propos, Jean, vous aimez la mer ? Oui, bien sûr. Que diriez-vous d'une petite promenade dans les Cyclades un de ces jours ? Avec ce beau temps, pourquoi pas ? Un ketch de 72 pieds, une merveille. Vous savez comment je l'ai baptisé ? Non. Cum-Ex, en hommage, comme son nom l'indique. Cela a duré 10 ans. 10 années pendant lesquelles ils se sont enrichis, sans complexe, la nuit comme le jour, 24 heures sur 24, car l'argent ne dort jamais. La nuit, au château, les téléphones sont muets. Pas un chat. Idéal pour les pendules. Sentir la pulsation. Apprivoiser la moindre faille de mouvement. Soigner la plus ancienne, celle que le temps ne préserve plus. Et prêter l'oreille. Il m'arrivait parfois d'apercevoir au loin la lumière du salon doré, le bureau du président. Il travaille la nuit, lui aussi, comme moi. Savait-il que son ami Jean Laborderie le trahissait ? Savait-il que son allié le plus fidèle, le compagnon de route, servait d'intermédiaire pour voler le fisc, alors que dans le même temps, il demandait aux contribuables de la République des sacrifices pour enflouer sa banque ? Le président pouvait-il ignorer ? Je divaguais dans le tic-tac des horloges. Le facteur temps, voilà. Mais le temps n'a pas la même mesure pour tout le monde. Quelques jours plus tard, je recevais un appel de Capucine Murat. Vous êtes à découvert ce mois-ci, Martin. Et pas qu'un peu. Moi ? Mais c'est impossible. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez refait la cuisine ? Vous êtes allé aux Bahamas ? Mais pas du tout, voyons. Capucine, encore une fois, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'avec la bourse, il y a des hauts et des bas. Oui, et alors ? En ce moment, c'est plutôt des bas. Et donc ? Et donc, les dividendes, c'est plus que c'était. Comment ça ? Ça fait que vous avez un découvert de 4358 euros pour ce mois-ci. Mais c'est impossible ! Si, monsieur Puget, c'est comme ça. Bon, comment allez-vous combler ce déficit, monsieur Puget ? Il faut payer le fisc, sinon ils vont vous saisir, croyez-moi. Mais vous m'aviez dit que tout ça, c'était sans risque, jamais de problème, coulé dans le bronze. Ah oui, mais les choses bougent, voyez-vous. Depuis le temps, c'est plus pareil. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Mais j'en sais rien, moi, c'est à vous de voir. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si vous n'avez pas renfloué votre compte d'ici la fin de la semaine, on devra suspendre les opérations. Vous devrez nous rendre chéquier et carte de crédit. Mais c'est pas possible ! Au revoir, monsieur Puget. Et elle a raccroché. C'est pas possible. J'étais comme électrisé, cloué sur place. Comment était-ce possible ? Ils me volaient, comme des voleurs de grand chemin. Le soir même, j'en parlais à Sébastien. Sébastien ? Tu pourrais me prêter 4000 euros ? À cette heure-ci ? Sérieux, tu pourrais ? Tu plaisantes. Tu sais très bien que j'ai pas un rond. Je suis dans la merde en ce moment avec la banque. Les placements, ça a bougé, mais dans le mauvais sens, résultat, je suis dans le rouge. Qu'est-ce que je t'avais dit ? Ça t'étonne ? Fallait bien que ça arrive un jour. Je t'avais prévenu, non ? Tu pourrais pas demander à quelqu'un, un ami, ton frère, par exemple. Mon frère, il supporte pas de savoir qu'on est ensemble. C'est juste un passage, pour quelque temps, le temps que ça s'arrange. J'ai peut-être un ex qui pourrait, mais je te garantis rien. Merci, Sébastien. J'aime pas quand tu dis merci. Bon, c'est normal, non ? C'est mauvais signe. Quelques jours plus tard, je croisais François-Xavier de Maupin, le conseiller spécial du président. D'habitude, nous n'avions rien de particulier à nous dire, juste bonjour, bonsoir, tout au plus. Mais ce soir-là, c'était très différent. Il avait un comportement étrange, comme un animal qui aurait senti le danger. Bonsoir, Martin. Bonsoir. Il paraît que vous avez des problèmes. Moi ? Non, pourquoi ? Inutile de faire comme si, Martin. Ici, vous savez, les murs ont des oreilles. Non, je vous assure. Ça la fout mal, vous comprenez ? Pardon ? Vous m'avez très bien compris, Martin. Réglez ça au plus vite et tout ira bien. On n'aime pas quand le petit personnel est en délicatesse avec le fisc. Le petit personnel, vous dites ? Oui. Je vais me débrouiller, monsieur. Je compte sur vous, n'est-ce pas ? Bien sûr, monsieur. Vous pouvez compter sur moi. Martin ? Oui ? Vous ne consommez pas de drogue, vous, non ? Moi ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que votre compagnon, il semblerait que... Il a enclenché une vidéo sur son portable. Non. Sébastien est à moitié nu, dans les bras d'un ex, un cocktail dans une main, sur le point de sniffer un rail de cocaïne, dans un air de fête. À demain, Martin. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Il a rangé son portable dans sa poche. Et il m'a laissé seul, avec mes horloges. Ce soir-là, il le savait, il m'avait planté une flèche dans le cœur. Le jeu de massacre avait bel et bien commencé. Et nul doute qu'il y aurait des morts sur le champ de bataille. Le facteur temps de François Luciani. Première partie, le secret 2008-2018. Avec Renaud Bertin, Claire Dumas, Florian Goetz, Yvon Martin, Bruno Pavio, Olivier Coyette, Johannes Hamm, Emmanuel Bloch. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Claude Niort, Pierre Henry et Jérémy Kaufmann. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Sophie Haute-Picon. L'escompte est mort, les traites sont traîtres. J'ai des regrets à découvert. C'est sur mon corps que je tire des chèques, avec les taxes et sans erreur. J'ai investi mes illusions à la banque des habitudes. C'est à l'emprunt des solitudes que fructifient mes souvenirs, souvenirs. Mon compte est bon, c'est mon malheur. Mon compte est bon, c'est mon malheur. J'ai fait bien trop d'économies, autant il était encore temps. Mes bas de laine craquent à présent sous les chairs creuses de l'ennui. J'ai fait bien trop peu de folie, et mes tiroirs sont pleins d'argent. Les seules passions de ma vie sont des coupons que je fais content, content. Bon, compte est bon, c'est mon malheur. Bon, compte est bon, c'est mon malheur. Je viens d'émettre sur une très excellente chimère. Je vends toutes mes obligations, je règle ma dernière affaire. Ayant toujours vécu ainsi, une suite de jours à crédit, je règle mon heure dernière, forfaitairement service compris. Affaire sensible, la fiction. L'hebdomadaire allemand Die Zeit appelle ça le coup du siècle, la plus grande fraude fiscale de l'histoire européenne. Une technique d'optimisation fiscale à la limite de la légalité, ou comment éviter l'impôt sur les dividendes, ça s'appelle le cum-cum. Depuis le début du siècle, on peut estimer à minima ces pertes fiscales à 17 milliards d'euros pour la France, plus de 24 milliards pour l'Allemagne. Deux pays européens parmi les plus touchés, pour Paris par exemple, c'est un coût de l'ordre de 3 milliards par an. Et puis il y a la version extrême, illégale, surnommée cum-ex, où le fraudeur va si vite qu'il arrive à se faire rembourser plusieurs fois une taxe qu'il n'a payée qu'une fois. En 15 ans, en Allemagne, c'est au moins 7 milliards d'euros que l'État a perdu en recettes fiscales, impuissant face à ce que le directeur de l'administration fiscale allemande qualifie de crime organisé, un système dans lequel traders, courtiers, grandes et petites banques, chacun sait ce qu'il a à faire et agit en connaissance de cause. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter. France Inter, affaire sensible, Fabrice Drouel. Affaire sensible, la fiction, aujourd'hui le facteur temps, premier épisode. Notre invité, Abdelhak El Idrissi, journaliste à la cellule d'investigation de Radio France. Bonjour, Abdelhak El Idrissi. Bonjour. Vous êtes journaliste à la cellule d'investigation de Radio France. Vous avez beaucoup travaillé sur les questions d'optimisation fiscale des multinationales dans le cadre des Paradise Papers, des enquêtes coordonnées avec le Consortium international des journalistes d'investigation, et vous avez également enquêté sur la fraude fiscale des particuliers et des petits chefs d'entreprise pour l'émission Secret d'Info. Il y a quelques instants, nous avons entendu une archive, une correspondance de Ludovic Piétenu à Berlin, donnant également un tableau de l'évasion fiscale, un phénomène européen qui sévit donc également en Allemagne, et sévèrement même. Alors nous avons vu aussi dans la fiction que Monsieur Tout-le-Monde pouvait être involontairement ou pas amené ou incité à tricher sur l'impôt, parce qu'on pense toujours que ce sont les plus gros qui trichent. Et vous avez dans votre enquête constaté que beaucoup de fraudeurs sont en fait plus petits, hein, patrons de PME, auto-entrepreneurs même, consultants, autant de catégories qui se lancent dans la fraude à leur risque et péril. Comment passe-t-on et comment ces gens-là passent-ils du côté face noire de la déclaration d'impôt ? C'est vrai que ça a été ma grosse surprise. Je me suis replongé dans les Panama Papers qui avaient été révélés en 2016. À l'époque, on avait sorti les plus gros noms. On parlait de multimillionnaires qui cachaient leur argent dans les paradis fiscaux. Et quand je me suis replongé dans les Panama Papers, ce que j'ai découvert, c'est la présence de Monsieur Tout-le-Monde, si vous voulez, vous l'avez dit, beaucoup de consultants, parce que j'ai découvert qu'il était plus facile potentiellement de frauder lorsqu'on était consultant, c'est-à-dire qu'on avait une activité plutôt immatérielle, mais j'ai trouvé des profils encore plus intéressants, c'est-à-dire encore plus surprenants. J'ai trouvé une tenancière de bar, par exemple, des gérants d'une baraque à frites qui générait 15 000 euros de liquide par mois et qui avaient le souci de ne pas frauder le fisc et qui se sont lancés dans un montage avec une société aux îles Vierges britanniques, un compte bancaire non déclaré en Lettonie, tout ça pour planquer l'argent de leur activité, de leur baraque à frites. Mais vous dites qu'au départ, ils n'avaient pas l'intention de s'évader fiscalement. Ils ont quoi ? Ils ont été incités ? Ils sont tombés ? Alors ça, c'est ils avaient l'intention. Ils sont tombés à un moment donné sur des facilitateurs dont on parlera. Si, peut-être que je me suis mal exprimé. Ils avaient pour but d'évader l'impôt avec leur problématique qui était lorsqu'on fait 15 000 euros de chiffre d'affaires en liquide par mois, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on monte une société aux îles Vierges britanniques avec un compte bancaire non déclaré et on profite comme ça de son argent qui ne passe pas entre les mailles du fisc. Les facilitateurs dont vous parlez, qui sont-ils ? Parce que ces gens-là en ont besoin, si j'ose dire. Alors ce sont la plupart du temps des officines, ce sont des intermédiaires qui ont soit pignon sur rue, soit désormais beaucoup qui œuvrent sur Internet, c'est-à-dire lorsque vous ouvrez Internet, si vous tapez société offshore, vous allez tomber immédiatement sur des dizaines de sociétés qui officiellement proposent des schémas d'optimisation, des schémas légaux, mais très vite on se rend compte que finalement ce qu'il y a derrière c'est de la fraude. Et pour en avoir le cœur net, je me suis fait passer moi-même pour un client, en expliquant que j'étais un développeur de site internet, que j'avais des clients en France et je voulais savoir s'il était possible de faire quelque chose légalement. Alors dans un premier temps, la réponse, on m'a dit légalement c'est pas possible. Le seul moyen c'est de s'expatrier, comme vous l'avez dit au début de l'émission, il faut absolument s'expatrier. Il n'est pas possible de faire du business depuis une société offshore à l'étranger, c'est-à-dire artificiellement, et facturer des sociétés en France depuis une société qu'on aurait à l'étranger. Voilà, j'étais bien embêté, puisque moi j'ai bien insisté sur le fait que je voulais une solution légale. On m'a dit, bon, si vous faites ça, monsieur, c'est de la fraude fiscale. Maintenant que vous le savez, si vous voulez quand même y aller, on peut vous aider. Il vous en coûtera 2000 euros pour monter une société offshore, notamment à Londres, pour profiter du taux d'imposition qui est bien plus faible qu'en France. Et idem, donc en moins de 48 heures, une société à Londres, et en moins de 10 jours, un compte bancaire, sans que mon nom n'apparaissent et donc sans que je sois taxé, ce qui est encore une fois illégal. Donc ce sont beaucoup des officines qui sont à la recherche de clients et qui essayent de recruter dans les profils que je vous ai dit, les consultants, beaucoup d'entreprises, de PME, etc. et des profils plus originaux. En gros, des gens qui font leur beurre sur l'évasion fiscale et le manque à gagner pour les États et notamment pour mettre en place leur politique sociale. Avec beaucoup de cynisme ou de réalisme, c'est selon, c'est-à-dire que la plupart de ces gens-là, certains sont des escrocs. Lorsqu'ils vous ont au téléphone, ils essaient de vous mettre en confiance en vous vendant la facilité avec laquelle on peut frauder. Ne vous inquiétez pas, votre nom n'apparaîtra pas, on a un système de prête-nom. Idem pour le compte en banque, votre nom n'apparaîtra pas. Lorsqu'on aborde le fait que des règles ont été mises en place par l'OCDE et qui consistent à échanger automatiquement les informations sur les bénéficiaires de comptes bancaires, la personne au bout de la ligne ne se démonte pas et dit « Ne vous inquiétez pas, désormais on ne passe pas par des banques traditionnelles, on passe par les néobanques, les banques en ligne et on nous assure » quitte à mentir que ces nouvelles banques-là, ces banques en ligne, ne sont pas concernées par l'échange automatique. Donc on met en confiance sans mettre en avant le risque de se faire rattraper, et il est réel, par le fisc, par les autorités, et derrière... D'autant plus que certaines de ces banques en ligne dépendent directement de banques dites traditionnelles. Exactement. Dites au passage. Exactement, une partie d'entre elles. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, mon interlocuteur, à ce moment-là, m'a expliqué que justement, alors ça l'engage lui, et je n'ai pas pu vérifier, que justement, des banques très traditionnelles qui avaient dans leur clientèle des gens qui étaient plutôt des fraudeurs, ou en tout cas des gens qui passaient par l'offshore, pour ne pas se couper de cette clientèle-là, avaient mis en place des systèmes de banque en ligne pour continuer à s'adresser à ces gens-là, à ces clients-là. Alors le danger, c'est que l'on pense maintenant que toutes les banques en ligne sont infréquentables. Ça peut être un préjudice commercial important quand même. Oui, et ce qui n'est pas le cas, encore une fois, c'est un argument commercial assez fallacieux. Moi, j'ai passé des coups de fil notamment à l'OCDE qui est à l'origine de la mise en place de l'échange automatique de données entre États pour savoir qui détient un compte bancaire ou etc. Ils ne sont pas du tout sur la même ligne et nous ont expliqué que pour la plupart d'entre elles étaient concernées par l'échange automatique. Donc finalement, c'est quoi ? La personne qui était au bout du fil, qui depuis son officine cherche à vendre ses sociétés offshore, n'hésite pas à mentir, quitte à mettre la personne dans l'embarras, si la personne accepte, en pensant que c'est sans risque. Voilà, une fois que la société est vendue, c'était 2 040 euros dans mon cas, j'avais reçu le devis très rapidement après. Elle, pour cette personne, la vente est faite et elle s'en fiche finalement des conséquences éventuelles pour la personne qui va s'engager dans cette aventure offshore. Alors, est-ce qu'il y a un nombre important, est-ce qu'on connaît à peu près la proportion de ce que j'appellerais les arroseurs arrosés ? Parce qu'il y a quand même des risques, et heureusement, à vouloir tricher avec le fisc, qui se fait souvent flouer, mais quand il vous met la main dessus, il vous loupe pas, et c'est normal. Alors, l'arroseur, vous parlez des officines ou des clients qui se lancent ? Des clients. Les clients, le risque existe de plus en plus. Ces dernières années, on a vu plusieurs lois qui ont été adoptées et qui à chaque fois ont renforcé les sanctions. On a mis fin aujourd'hui en France depuis l'automne dernier au secret bancaire pour la justice, etc. Donc il est de plus en plus difficile de frauder le fisc. Mais en face, les candidats, eux, ne le savent pas. Souvent, beaucoup d'entre eux, parce que j'ai parlé à beaucoup d'entre eux, m'expliquent que leur point de départ, c'était... on paye trop d'impôts. Oui, mais enfin, quand même, au départ, si on dit on paye trop d'impôts, on se lance quand même consciemment dans une démarche de fraude. Je n'explique pas, je ne cautionne pas le raisonnement. Je pars juste ce principe de réalité, ce constat qui est que les gens qui se sont lancés là-dedans estiment qu'ils payent trop d'impôts. Ce qui pose d'ailleurs question sur le fait que, eh bien, on continuera sans doute à avoir malheureusement de nombreux candidat à la fraude à partir du moment où on aura des personnes, des héritiers, des chefs d'entreprise qui estiment payer beaucoup d'impôts. En tout cas, les gens qui se sont lancés là-dedans, certains et de plus en plus se font attraper, qui parce que il y a eu des révélations dans la presse de la part de consortiums, les LuxLeaks, vous l'avez dit, les Panama Papers, etc. Mais encore une fois aussi, le fait que la loi ait donné de plus en plus de pouvoirs et de prérogatives à l'administration fiscale, parce que la plupart des fraudeurs ne passent pas devant la justice, ce sont des procédures administratives, un contrôle et le cas échéant un redressement fiscal. Pour les cas les plus graves, on passe devant la justice. Mais dans les deux cas, que ce soit l'administration ou la justice, on dispose de plus en plus d'outils pour retrouver ces personnes. D'autres ont été retrouvés ainsi dans une affaire emblématique dont on peut parler, d'une officine qui avait pignon sur rue à Paris et qui vendait de la fraude fiscale. La grande majorité des clients ont été redressés et pour les plus gros d'entre eux, ont été jugés. On pourrait considérer que concernant les clients, c'est de la corruption passive et concernant les officines, de la corruption active. On pourrait faire ce parallèle ? Alors, juridiquement, il y a des termes pour impliquer, le cas échéant, les officines dont je parlais, les facilitateurs. À un niveau différent, quand exactement. Même. Exactement. Si vous voulez, le client, lui, est fraudeur. C'est de la fraude fiscale, voire du blanchiment à partir du moment où, en plus de ça, il a disposé du fruit de sa fraude. Mais pour les facilitateurs, la justice, pour parler de la justice, dispose de deux instruments. C'est l'association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude fiscale parce que on a aidé quelqu'un à mettre en place un système de fraude en lui proposant des schémas, etc. Ou l'autre outil juridique, c'est le blanchiment de fraude fiscale. Abdelhak El Idrissi, on va se retrouver dans 3 minutes. Moi, je vous propose une évasion musicale. L'argent, c'est des pépettes, des billets, des bifetons, des livrets, des mandats, des SICAV, des actions. C'est du fric, de la mitraille, du liquide, tous ces ronds. C'est du flouze, des dollars, des roupies, des millions. Y'a que le pognon. C'est la bourse, la monnaie, compte en banque, commission, des devises, des placements, fortune et dotation, plus-value, capital, honoraire, expansion, intérêt, patrimoine, numéraire, provision. Y'a que le pognon. Escudos, pesetas, spéculé, picaillon, des dépôts, du crédit, des plaqués, des bâtons, des espèces, des deniers, du profit, c'est du jonc, des finances, des affaires, créances, obligations. Y'a que le pognon. Des avoirs et des fonds, la galette, la cagnotte, de la braise, des jetons, des escomptes, des produits, des avances, des coupons, c'est des sous, des écus, des gains, des transactions. Y'a que le pognon. Des transferts, des emprunts, plans d'épargne, subventions, des revenus, des réserves, c'est du pèse et des ronds, portefeuille, petite coupure, virement, spéculation, c'est la caisse, le trésor, le marché, les options. Y'a que le pognon. Valeur, investissement, richesse, augmentation, résultat, excédent, salaire, brut, cotation. Y'a que le pognon. C'est des pièces, des shillings, des dinars, des doublons, le magot, la tirelire, des milliards, des millions, le CAC 40, le Dow Jones, les rémunérations, des indices et des rentes et des fonds de pension. Y'a que le Abdelhakim Idrissi, on se retrouve donc pour parler d'évasion fiscale, d'optimisation fiscale et autres. On a cité les Panama Papers, les LuxLeaks et maintenant les Kumkum et Kumex, des noms un peu fleuris. Pouvez-vous nous expliquer les différences entre ces mots et les scénarios qu'ils proposent pour éviter l'impôt ? Alors déjà, je ferai la différence entre la fraude fiscale dont on a parlé clairement. On est en dehors du cadre de la loi, on est dans l'illégalité. L'optimisation, on est dans le cadre de la loi, parfois à la limite, et parfois on ne fait plus trop la différence, on ne sait plus trop si on abuse finalement de la loi, ce qui est illégal, ça s'appelle de l'abus de droit. Mais je ferai vraiment la différence entre les deux. Pour moi, les Kumkum, les Paradise Papers, l'optimisation, l'idée est toujours la même. Il faut repérer une brèche et s'engouffrer à l'intérieur. Que vous soyez une banque, que vous soyez une multinationale, une banque dans l'affaire des Kumkum, des grandes entreprises multinationales dans le cadre des Paradise Papers, je pense notamment à Nike, à Whirlpool, à Google, etc. Comment est-ce qu'on identifie une faille dans une législation pour s'engouffrer dedans et au final chercher à payer le moins d'impôts possible ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, la stratégie ne repose pas sur une réalité économique, mais plutôt sur une opportunité fiscale pour ne pas avoir à payer l'impôt qu'on devrait payer. Parfois, cette question se pose pour des paradis fiscaux qui sont très très loin de nous, mais parfois ce sont aussi nos voisins. On a beaucoup parlé de l'Irlande, des Pays-Bas, du Luxembourg, qui à un moment donné ont laissé, alors sciemment ou pas, des trous dans la raquette de leur législation pour attirer des multinationales. En leur disant, si vous venez chez nous, et si par exemple votre problématique c'est de ne pas payer d'impôts sur le versement de dividendes ou lorsque vous recevez des royalties ou des royalties liées à de la propriété intellectuelle, ne vous inquiétez pas, on vous offre une exception finalement et vous ne payez pas d'impôts. Les multinationales l'ont bien compris, elles dépensent des sommes astronomiques justement pour repérer, pour anticiper ces failles. J'ai rencontré un avocat fiscaliste qui m'expliquait qu'il existait des logiciels qui coûtaient une fortune et qui permettaient, en fonction de votre profil, de votre problématique, vous sortez finalement une solution clé en main en vous disant voilà le chemin très souvent escarpé, pour arriver au bout, c'est-à-dire au paradis fiscal, sans trop d'encombre fiscal, si je puis dire. C'est une réalité, il y a un vrai business autour de ça pour les multinationales. Alors un esprit rationnel, voire un peu simple, pourquoi pas, dont je suis, aurait envie de dire, mais puisqu'il y a des procédures d'optimisation fiscale, dont certaines et beaucoup légales, pourquoi est-ce que le législateur ne rend-il pas illégal toute optimisation fiscale ? c'est compliqué, la limite est compliquée, ça renvoie beaucoup finalement à ce qu'est la définition par exemple d'un paradis fiscal. On pense qu'un paradis fiscal, c'est un pays comme les îles Vierges britanniques qui n'a quasiment d'impôt sur rien, que ce soit sur le revenu, sur les dividendes, etc. Mais parfois, comme je vous le disais, il suffit d'un petit trou dans sa législation sur un point précis pour être considéré comme un paradis fiscal. Et lorsque ce sont nos voisins européens, comment est-ce que vous faites lorsque... Voilà, avec cette lourdeur au niveau européen de lorsqu'on prend une décision, elle doit se faire à l'unanimité. Finalement, se pose aux questions, la question aussi de la souveraineté. On n'a pas envie en France que nos voisins nous disent quelle loi voter, etc. Et au nom de quoi on irait demander à l'Irlande de patcher un trou dans la raquette ou de remonter tout simplement l'impôt sur les sociétés qui fait que parfois les multinationales préfèrent aller payer 15%, voire beaucoup moins, parce que souvent on découvre que nos voisins européens ont négocié en secret des taux d'impôt quasiment nuls, alors que nous, on a un taux d'imposition officiellement de 33% sur les sociétés. On mélange un peu toutes ces notions, voilà, de souveraineté, d'attractivité, d'économie. C'est compliqué. Et l'harmonisation fiscale et surtout la lutte contre la fraude fiscale est mal partie si, au niveau européen si on part de ce postulat. Alors on harmonise vers où ? Vers le bas ou vers le haut ? Est-ce qu'on demande à des pays comme la France de baisser leur niveau d'impôt sur les sociétés alors qu'on sait qu'aujourd'hui l'une des grandes problématiques c'est celle du budget ? Ou est-ce qu'à l'inverse on demande aux pays comme le Luxembourg, comme l'Irlande d'augmenter leur taux d'imposition ? Donc la question de l'harmonisation, elle est juste, elle est intéressante. La réponse est beaucoup plus compliquée. Est-ce que parmi les gens que vous avez interviewés, vous avez senti, vous avez réussi à savoir s'ils étaient, à quel point ils étaient conscients que leur comportement pose un vrai problème social, que le non-consentement à l'impôt, parce que c'est ça aussi, pose un problème éthique grave parce que c'est un problème social? La majorité des personnes à qui j'ai parlé faisaient ça en connaissance de cause. Je fais une petite parenthèse pour dire que finalement, à la marge, j'ai trouvé certaines personnes qui étaient crédules. Notamment, je pense à ce jeune ingénieur qui sortait d'école qui m'a expliqué que il était donc étudiant, qu'il n'avait jamais payé d'impôts, qu'il ne connaissait pas le monde de l'entreprise. Et lorsqu'il est tombé sur une des officines dont on parlait, qui lui a expliqué que il était totalement possible d'ouvrir une société dans un paradis fiscal, en l'occurrence les îles Vierges britanniques, et de facturer ces prestations-là à ses clients depuis cette société... Il y a cru. Il a compris qu'il y avait des problèmes lorsque le fisc l'a appelé en lui disant qu'il allait faire l'objet d'un contrôle et il a fait l'objet d'un redressement. Ça, c'est vraiment à la marge. Mais ça existe, donc c'est intéressant sur la psychologie. La grande majorité des clients ont fait ça en connaissance de cause. Certains, dans le cadre de leur entreprise, donc l'origine de l'argent était entre guillemets licite, et ils ne voulaient simplement pas payer d'impôt dessus, donc ils se sont lancés dans de la fraude fiscale. Certains avaient une autre problématique, c'est-à-dire que l'origine même de l'argent était douteuse. C'est le cas d'un cadre dans une multinationale qui a été corrompu par un de ses clients et qui, du coup, a accepté de recevoir de l'argent sale. Et sa problématique, c'était... Qu'est-ce que je fais de cet argent? Où est-ce que je vais le toucher? Il a blanchi par l'évasion? C'est ça, il a reçu de l'argent sale, il l'a blanchi entre guillemets en le laissant loin du fisc et surtout de la justice, parce que là on parle quand même de choses qui sont gravissimes, mais tous ont eu conscience à un moment donné de ce qu'ils faisaient. Mais dans la balance, ça ne les a pas empêchés de se lancer dans l'aventure. Tous ceux à qui j'ai parlé finalement m'ont expliqué, alors c'est peut-être parce que je les avais trouvés qu'ils m'ont dit ça, mais qu'ils regrettaient beaucoup. Donc se pose la question de la sincérité finalement et du repentir, mais tous m'expliquent finalement, une fois qu'ils ont connu des problèmes avec la justice ou l'administration, que le jeu n'en valait pas la chandelle. Merci infiniment, Abdelhakel Idrissi, pour votre témoignage et vos éclairages générés par votre travail à la cellule d'investigation de Radio France, dont on connaît la qualité du travail. Merci beaucoup. C'était Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, le facteur temps, premier épisode. Une fiction écrite par François Luciani, réalisée par Sophie Houpicon. Émission proposée par Christophe Varère, assistée de Valérie Priollet et réalisée par Anne Yoro. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Nicolas Delmas et Vincent Godard.